Le stress, partie 1 de 2. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! Le stress, c'est un état de tension au sein de l'organisme de l'individu qui est créé en réaction à quelque chose. Et par rapport au stress, il y a différents niveaux de tension. Quelqu'un peut être moyennement stressé, il peut être très stressé. Et cette tension-là, eh bien, l'individu peut la subir. Dans le sens que si, par exemple, l'individu s'imagine qu'il y a une menace dans son environnement, donc autrement dit, la personne pense qu'elle peut se faire voler, qu'il peut y avoir des voleurs qui vont aller chez elle dans les prochains jours, voler son appartement, eh bien, si elle croit ça, elle croit en réalité l'idée qui occasionne le stress, qui est acheminée dans son mental, qu'un vol pourrait être commis bientôt chez elle, sans questionner l'idée. C'est-à-dire sans questionner l'entité qui est derrière l'idée, qui lui est acheminée dans le mental, parce qu'après tout, la pensée ne provient pas de l'humain. Eh bien, à ce moment-là, l'individu peut être amené à ressentir de la peur inutilement si l'idée qui lui est présentée dans le mental n'est pas fondée. Et pour évaluer si l'idée est fondée, l'individu peut s'appuyer sur une lecture vibratoire de cette idée. Donc, autrement dit, la personne est tranquille chez elle, puis tout d'un coup, elle reçoit dans l'esprit l'idée que « Ah, il pourrait y avoir des voleurs qui vont venir chez toi » dérober des choses. Et là, face à l'idée, la personne peut croire l'idée, donc lui donner de l'importance sans vérifier si elle est réelle. Et si elle croit l'idée, bien, elle peut ressentir par la suite de la peur en relation avec l'idée. Donc autrement dit, elle peut réagir émotivement à l'idée qui lui est présentée en ressentant du stress par rapport à cette dernière, de l'anxiété, de la peur. C'est toutes des énergies qui vont dans le même sens, qui vont déstabiliser l'individu. Ou l'individu peut être confronté à la même idée et au lieu de croire spontanément l'idée, eh bien, se poser la question, est-ce que c'est réel ou non que je me fasse voler dans ma maison? Donc, il peut poser la question à haute voix. Et si l'individu peut exercer son esprit critique comme ça, il peut aller plus loin et interroger directement l'entité qui lui a cheminé cette idée-là et parler avec elle et lui demander pourquoi qu'elle lui dit dans sa tête qu'il risque de se faire voler dans sa maison. Et là, l'entité va lui répondre quelque chose et si l'individu est capable de lire la vibration derrière la réponse ou même derrière l'idée qui lui est présentée, eh bien, il peut établir s'il a raison ou non de ressentir de la peur, de l'anxiété, de l'angoisse, du stress par rapport à elle. Donc, autrement dit, est-ce que de réagir émotivement, c'est intelligent ou pas? Et puis, même si l'idée que la personne peut se faire voler serait fondée au niveau vibratoire, au niveau de ses observations aussi de l'environnement, donc autrement dit, si la personne constate que dans les maisons proches de chez elle, il y a eu des vols récemment, à répétition, eh bien c'est sûr que là, dans un contexte comme ça, il peut tenir compte de l'environnement, il peut tenir compte aussi de son ressenti pour évaluer la validité de l'idée qui lui est acheminée et prendre une décision à savoir si il déménage, s'il achète un système de sécurité, s'il fait des actions concrètes. Mais ce qui doit être mentionné, c'est que le stress n'est pas occasionné chez l'individu qui est stable dans son mental et qui ne se laisse pas déstabiliser rapidement par une idée en lui croyant, en lui donnant de l'importance spontanément. Donc, autrement dit, si la personne reçoit l'idée qui peut se faire voler, que ce soit une idée qui est fondée ou pas, l'individu qui a développé un centre de gravité va être stable par rapport à elle, donc il ne réagira pas émotivement. C'est sûr qu'il peut composer en conséquence si l'idée est fondée et s'appuie sur une perception extérieure par des faits objectifs, observables et mesurables, donc par exemple l'augmentation du taux de criminalité dans son quartier. ou d'effet vibratoire. Et là, c'est plus subtil. Autrement dit, la personne peut poser la question « Est-ce qu'il y a un risque réel de vol où est-ce que je suis? » Et l'esprit peut lui répondre « Oui ». Et s'il ressent que dans le « oui », c'est affirmatif, il y a un courant d'énergie qui passe, très élevé, il peut ressentir que c'est ça. Mais s'il ressent que dans le « oui », il y a une vibration qui est plus basse, il y a un doute, que la vibration n'est pas très présente, eh bien, à ce moment-là, ça peut exprimer en réalité un non. Et ça veut dire que l'individu ne doit pas prendre au sérieux cette menace-là s'il ne perçoit pas que c'est réel. Donc, si dans sa lecture vibratoire de l'information qui lui est amenée, il n'y a pas un effet de résonance avec une vibration qui se manifeste à sa conscience, eh bien, à ce moment-là, il réalise que ce n'est pas nécessairement de ses affaires. Et lorsque l'individu développe la capacité de prendre un recul critique à l'égard de la pensée, eh bien, il peut réduire le stress qu'il vivait jusqu'alors lorsqu'il était confronté à certaines situations ou événements qui l'amenaient à avoir peur. Donc, autrement dit, la personne, par exemple, qui a tendance à vivre du stress parce qu'il a peur de perdre son emploi, il a peur d'avoir un accident automobile, il a peur qu'il y ait une attaque terroriste lorsqu'il va prendre l'avion pour la prochaine fois. Donc, par rapport à tous ces éléments-là qui peuvent lui occasionner du stress, par la gestion de sa psyché, entre autres, il est possible pour lui de dédramatiser beaucoup de ces situations-là et d'être capable de se recentrer. Le stress a eu dans le passé, lorsque l'être humain n'était pas en contact avec l'esprit, avec le plan mental, lorsqu'il ne vivait pas le processus de la fusion, eh bien, le stress avait pour utilité de l'amener à s'éloigner à des menaces physiques. Donc, autrement dit, si, par exemple, une personne se promène en forêt et perçoit un ours dans la forêt, eh bien, le stress peut amener la personne à courir plus rapidement qu'elle le ferait en temps régulier et l'amener, entre autres, à sécréter l'hormone de l'adrénaline qui va modifier son métabolisme pour l'amener à courir plus rapidement. Donc, à ce moment-là, le stress est utile. Et c'est lorsque l'individu vit du stress parce qu'il écoute la télévision, il entend parler d'attentats terroristes, il entend parler de différentes choses épeurantes à ses yeux. Donc, c'est lorsque l'individu, face à des bulletins de nouvelles, qui se met à ressentir de la peur ou de l'anxiété, à être tendu, que là, le stress, s'il n'est pas fondé sur une réalité, une menace concrète, c'est inutile. Et surtout, s'il vérifie vibratoirement que tout ça, c'est des choses qui ne le concernent pas dans l'immédiat, donc il n'y a pas lieu d'avoir peur pour lui d'un attentat ou d'une menace directement, eh bien, à ce moment-là, il peut se distancer de tout ça en développant une attitude qui est centrique dans la vie et être capable de fonctionner. En fait, le stress est vécu tant aussi longtemps que l'individu n'est pas stable dans son mental et éventuellement l'individu qui est en fusion avec l'esprit et qui aura intégré adéquatement son énergie pourra percevoir un ours et sera capable de parler télépathiquement avec l'esprit pour savoir si dans les faits l'ours est une menace pour lui ou non. Et puis il va être capable aussi de s'éloigner de l'ours, mais pas dans un état émotionnel, mais dans un état en étant calme et stable dans le mental. Parce que la forme, peu importe qu'elle soit, que ce soit un individu, un animal, un objet, eh bien, lorsque la personne est centrique, il est libre de l'influence de la forme parce qu'il fonctionne à partir d'une perception vibratoire. Bien entendu, ça ne veut pas dire d'être stupide, surtout pour les gens qui vivent la transition de conscience. Donc, les gens ne doivent pas s'imaginer, parce qu'ils commencent à communiquer télépathiquement avec l'esprit, que le fait qu'ils communiquent avec l'esprit va faire en sorte qu'ils vont être protégés. Automatiquement, ils peuvent aller n'importe où et faire n'importe quoi, n'importe comment. Donc, autrement dit, la personne, elle ne peut pas aller en forêt puis se mettre à caresser un ours en croyant qu'elle va être protégée par l'esprit. Parce qu'à ce moment-là, elle peut être victime de sa croyance et sa naïveté à l'égard de l'esprit. Donc, elle doit toujours vérifier s'il y a une menace réelle ou non. Et elle peut s'appuyer sur ses sens physiques. Donc, les cinq sens, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe. Également, son sixième sens, son intuition, en faisant une lecture vibratoire. Donc, c'est en utilisant ce qu'elle a comme ressource qu'elle peut se positionner intelligemment par rapport à son environnement. Et l'un des éléments qui aide l'individu à être libre du stress, c'est d'être capable de fonctionner d'une manière qui est intelligente par rapport à toutes les décisions que la personne a à prendre, parce que beaucoup de stress sont liés à des décisions importantes, là, significatives pour l'individu, comme par exemple s'acheter une auto, s'acheter une maison. Et les gens ont tendance à vivre des tensions par rapport à ça, parce qu'ils ont souvent peur de faire une erreur, peur de faire un mauvais choix, et cela est particulièrement vrai chez les gens qui sont perfectionnistes. Et par rapport à tout ça, c'est que l'individu qui développe un centre de gravité mentale en intégrant l'énergie de son esprit apprend à se calmer, à se stabiliser et à être capable de fonctionner en arrêtant de réfléchir d'une manière compulsive. Parce que c'est la réflexion, et plus particulièrement la réflexion à outrance, qui nourrit et amplifie la vibration du stress dans l'organisme de l'individu. Parce que quelqu'un qui passe en revue la pensée d'une menace, qu'elle soit réelle ou fantasmée, et s'il fait ça continuellement, à journée longue, eh bien, éventuellement, ça peut l'épuiser, ça peut l'amener à vivre des problèmes d'insomnie. Donc, l'individu doit être capable de gérer sa psyché en étant capable de faire des lectures vibratoires pour déterminer ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, ou percevoir les choses, mais sans les ressasser inlassablement dans son mental, parce que là, il est en perte d'énergie. Et à chaque fois qu'il réfléchit, à chaque fois qu'il donne de l'énergie à l'entité qui occasionne la réflexion dans sa psyché, parce qu'à ce moment-là, il donne de la valeur à certaines formes. Et dans les processus de réflexion, il peut vivre beaucoup de doutes, d'incertitudes, d'anxiété, de l'angoisse et du stress qu'il garde tendu. Et plus que l'individu est tendu, plus que ça devient difficile pour lui de gérer adéquatement sa psyché, et plus qu'il peut être facilement déstabilisable par son environnement. Donc, autrement dit, quelqu'un, par exemple, qui se présente à l'aéroport et qui a peur d'être victime d'un attentat terroriste à cet endroit, donc s'il vit toujours dans la peur qu'il réfléchit constamment dans son mental, il n'est plus présent à son environnement, donc il peut se promener dans l'aéroport et à un moment donné sortir de l'aéroport, et comme il n'est pas présent à ce qu'il fait, eh bien, il peut se faire frapper dans la rue qui est vis-à-vis de l'aéroport parce qu'il n'est pas présent à l'action qui se déroule. Autrement dit, il n'est pas totalement là. Son esprit est occupé à réfléchir constamment à la peur de la menace terroriste et à ce moment-là, il n'est pas disponible à ce qui se passe dans le ici et maintenant de l'endroit auquel il se situe. Donc, autrement dit, l'individu se met en danger par rapport à des accidents en étant trop sous l'influence du stress et de la réflexion. Voilà d'où la pertinence d'être capable de se libérer du processus réflectif compulsif et d'apprendre à gérer adéquatement les pensées qui occasionnent du stress.